Pourquoi doit-on souhaiter la paix? En ce début d'année 2023, il y a beaucoup de vœux généraux à formuler. Nous sommes face à un ensemble de crises dramatiques et bien entendu, nous avons envie de formuler tous les grands vœux du monde. D'un autre côté, ces vœux ne peuvent pas nous suffire. Il nous faut des politiques concrètes, des politiques pour lutter contre le réchauffement climatique, des politiques sur l'environnement, des politiques de santé publique et nous avons besoin de cadres et de scénarios pour affronter tous les dangers du monde. Pourtant, il y a un vœu à la fois général et concret qui est peut-être la condition de tous les autres et que l'on retrouve aussi dans toutes les grandes traditions. C'est ce vœu de souhaiter la paix. La paix entre les humains qui est en effet un vœu général et pourtant un vœu accessible et politique. Un vœu avec des conditions concrètes, surtout quand des guerres forcément injustes ont été déclarées, forcément injustes, puisque le fait de déclarer la guerre, d'agresser quelqu'un, est injuste, alors que le fait de se défendre est la seule définition de la guerre juste. Oui, souhaiter la paix. Souhaiter la paix, ce n'est pas forcément la souhaiter à n'importe quelle condition, mais c'est la souhaiter comme la condition dans la justice pour répondre à tous les autres dangers du monde. Ce que nous retrouvons aujourd'hui, bien malgré nous, au cœur de l'Europe, et c'était déjà présent, encore présent, partout dans les autres parties du monde, c'est que la paix entre les humains est la condition de la réponse à tous les autres conflits du monde. Il faut hiérarchiser entre les guerres mondiales. Michel Serres disait qu'il était passé de la guerre mondiale entre les humains à la guerre des humains contre le monde. Mais cette guerre des humains contre le monde ne se résout pas par la paix avec le monde. Elle se résout par des progrès concrets, des progrès constants, des progrès continuels. En revanche, la guerre entre les humains, elle, se résout par la paix entre les humains qui est la condition pour lutter ensuite contre les dangers communs. Il est donc clair que l'on doit souhaiter la paix, souhaiter ce souhait, ce terme qui est si proche du vœu et du désir, souhaiter. C'est en effet non seulement désirer, mais désirer quelque chose qui répond aux aspirations les plus profondes. On peut désirer un gâteau, on ne souhaite pas un dessert. Souhaiter un dessert, c'est un petit peu déplacé. On désire un dessert, tel ou tel dessert. Mais ce que l'on souhaite, dans le terme souhaiter, il y a une aspiration plus profonde qui vise l'objet du désir ou du vœu qui répond à nos besoins métaphysiques les plus profonds. Oui, quand on dit paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, les textes religieux nous apprennent aussi, depuis l'expérience humaine, et ils sont peut-être plus humains qu'ils ne le croient, nous apprennent au fond l'essence même de tous nos souhaits. Nous souhaitons que les conflits toujours possibles entre nous trouvent des résolutions. En souhaitant la paix, nous connaissons le risque persistant de la guerre, mais nous savons que nous pouvons y répondre. Ce ne sont pas des vœux irréalistes, ce ne sont pas non plus des désirs égoïstes, ce sont les véritables conditions des vœux humains en ce début d'année.